Nous retrouvons notre nuit spéciale consacrée à Robert Desnos avec Marie-Claire Dumas et Jacques Frankel. Nous venons d'entendre deux émissions sur la nuit et Desnos. L'une s'appelle « Aux sources de la nuit » et l'autre « Le promeneur de la nuit ». Ensuite, un hommage à Robert Desnos avec Yuki et toutes sortes d'amis de Robert Desnos. Puis, un prélude à l'après-midi, Robert Desnos, connu et méconnu, par une poétesse magnifique qui s'appelle Ève Grilliquez. Le 8 février 1944, Robert Desnos écrivait « Ce que j'écris ici ou ailleurs n'intéressera sans doute dans l'avenir que quelques curieuses espacées au long des années. » Tous les 25 ou 30 ans, on exhumera dans des publications confidentielles mon nom et quelques extraits, toujours les mêmes. Les poèmes pour enfants auront survécu un peu plus longtemps que le reste. J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée, mais cela durera plus longtemps que beaucoup de paperasses contemporaines. Alors, évidemment, c'est en partie vrai et en partie faux. La fin, naturellement, est juste. Le fait que cela durera plus longtemps que beaucoup de paperasses contemporaines est évidente, mais en ce qui concerne la radio, par exemple, on peut dire que la première partie est tout à fait fausse, puisque de la mort de Robert Desnos jusqu'à aujourd'hui, la radio n'a jamais, jamais, jamais oublié Robert Desnos, comme nous le montrent d'ailleurs les archives que nous écoutons cette nuit. Et pour deux raisons sans doute, parce que il était un homme de radio et ça nous allons en parler, et puis aussi parce que la voix est chez lui toute présente et dans toute son œuvre du début à la fin, cette œuvre est faite pour la voix. Marie-Claire Dumas, donc, l'homme de radio. L'homme de radio s'est vraiment manifesté à la radio à partir de 1933 et grâce à Paul Deharme, qui était un ami qui travaillait déjà à la radio, à Information et Publicité, et qui l'a fait entrer dans ce circuit. Ils ont créé ensemble l'émission qui est restée célèbre aux oreilles qui l'ont entendue. C'est la grande complainte de Fantomas à propos de la réédition et plutôt de la sortie d'un nouveau tome des histoires de Fantomas. Desnos avait réuni beaucoup d'amis pour jouer des épisodes antérieurs, c'était des années 1910 à 1914 que ces romans avaient été écrits par Alain et Souvestre. Et les amis de Desnos sont venus jouer à la radio, dans cette émission. À partir de là, Desnos a eu jusqu'en 1939 une série d'émissions qui pouvaient être de culture populaire, mais qui étaient surtout appuyées sur des tas d'innovations et d'expériences, en particulier l'expérience de l'interactivité, c'est-à-dire qu'il posait des questions aux auditeurs, qui lui répondaient par des lettres et il mettait en onde les réponses des auditeurs à propos de sujets variés. Mais le sujet le plus important a été en 1938, la fameuse émission « La clé des songes » où Desnos a demandé aux auditeurs, c'était surtout des auditrices, d'envoyer leur récit de rêve. Et Desnos, avec une équipe d'ailleurs, il n'était pas seul pour le faire, mettait en onde certains de ses rêves, les interprétait selon la clé antique d'Artémidore d'Éphèse, et pas de Freud, encore que, et l'accompagnait de tas de bruitages, d'interprétations, qui était superbement réalisé par les ateliers phoniriques. Alors, en 1936, il y a aussi une très belle émission, Un salut au monde, où Desnos présente un texte de Walt Whitman, le merveilleux, merveilleux, magnifique poète américain, d'ailleurs trop méconnu. Oui, Desnos était fasciné par Whitman, et d'ailleurs, cette première émission a donné lieu à une série d'émissions ensuite, parce que ce salut au monde, Desnos l'a appliqué à toutes les régions du monde et à toutes les musiques du monde. Donc, grâce à Aléro Carpentier, qui était son collègue, si j'ose dire, qui travaillait avec lui comme musicologue, ils ont fait une série d'émissions extrêmement belles sur les musiques du monde. Desnos, effectivement, a travaillé pour la radio, ça ne nous étonne pas. au fond, que la radio ne l'ait jamais oublié. C'était un homme de radio. En 1926, par exemple, enfin, il a toujours écrit pour La Voix. Je lis ce texte, mais on pourrait en lire mille autres. Hein. Donc, en 1926, c'est « J'appelle celle que j'aime, j'appelle celle que j'aime, j'appelle celle que j'aime. Celle que j'aime ne m'écoute pas, celle que j'aime ne m'entend pas, celle que j'aime ne me répond pas. » Et c'est vraiment, alors, enfin, c'est tellement écrit pour La Voix, Jacques Frankel. Oui, c'est un, il y a ce poème, la voix, qui est comme un cri d'enthousiasme par lequel il s'adresse à ceux qui hésiteraient ou hésitent encore à entrer en résistance. C'est un peu son propre cri qui augure de son engagement sans limite dans la résistance. Et donc, il s'adresse avec un certain lyrisme et en même temps une espèce de familiarité intime, très... Voilà, donc si vous voulez, je... Ah, mais je serais ravi que vous lisiez ce poème. Il date de quand exactement? Alors, je crois qu'il date de 42, oui. Voilà. Donc 1942, donc, 1942, et ça 42, s'appelle La Voix. Ça s'appelle Une Voix. La Voix. On vous écoute, Jacques Frankel. Une voix qui ne fait plus résonner les oreilles tant elle vient de loin, parvient cependant jusqu'à nous. Et ses syllabes sont distinctes, bien que prononcées sur un timbre de ténèbres. Cette voix est la voix normale, ce que la nuit est au jour, et bien qu'elle couvre le monde entier, c'est la voix d'un homme ou celle d'une femme. Je l'écoute. Elle me parvient à travers tous les fracas de la vie et des batailles et des bavardages. Ne l'entendez-vous pas? Elle dit « Confiance, courage, espoir » et « Gardez le même cœur ». C'est très très beau, merci beaucoup. Je voudrais dire quand même que ça, c'est la version préalable, parce que le poème publié est tout à fait différent. Ah, on vous écoute, Marie-Claire Dumas? Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, une voix, comme un tambour, voilée, parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse le fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous? Ne l'entendez-vous pas? Elle dit, la peine sera de peu de durée. Elle dit, la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? C'est un vrai chant d'espoir. Oui. Oui, c'est très enthousiasmant. Et quand on entend ce chœur dont vous parliez, Jacques Frankel, on ne peut s'empêcher de penser à ce magnifique poème qui s'appelle « Ce chœur qui haïssait la guerre », Marie-Claire Dumas. Oui. Très très beau poème où effectivement il désigne les assassins, Hitler, Goebbels, c'est la racaille, un Laval, un Pétain, un Bonnard, un Brinon, ceux qui savent trahir et ceux qui font ripaille, ceux qui sont destinés aux justes représailles, et cela ne fait pas un grand nombre de noms. Ces gens de peu d'esprit et de faible culture ont besoin d'alibi dans leur sale aventure. Ils ont dit, le bonhomme est mort, il est dompté, oui, le bonhomme est mort, mais par devant notaire, il a bien précisé quel legs il voulait faire, le notaire à non-France et le legs. Liberté. Et ça, c'est Victor Hugo. Et ça, c'est Victor Hugo. C'est un poème à Victor Hugo. Et ce qui est important, je trouve, dans ce poème en particulier, c'est qu'il dit, au fond, les salauds, c'est un petit nombre de gens. Oui, absolument. Et il dit immédiatement que les autres, ils n'étaient peut-être pas parfaitement blancs, mais ils n'étaient pas non plus noirs. Ceux-là, c'était des gens qui étaient noirs. Après ça, il y avait tous les degrés jusqu'au blanc, en passant par le gris. Là, on arrive évidemment à la prochaine archive que nous allons entendre, qui est donc l'hommage rendu à Robert Desnos pour le premier anniversaire de sa mort par ses amis. C'est une émission de Samy Simon que vous avez bien connu, Jacques Frankel. Oui, Samy Simon était un ami aussi de la famille, et Samy Simon... homme, grand reporter historique... avait été très lié avec Desnos, et C'est lui qui est parti avec son petit magnétophone à Térésine pour, dès qu'on a su que on pouvait y accéder, que Desnos y était mourant. Térésine, où vous allez aller dans quelques jours. Voilà, Térésine, où je vais aller pour la commémoration du 70e anniversaire. Et donc, Samy a pu retrouver sur place les deux étudiants en médecine qui avaient accompagné Desnos dans son agonie, Anna Tessarova et Yosef Stouna. Et il avait enregistré un texte donc, qui a été transcrit depuis, qui est absolument extraordinaire sur ce qu'ont été les dernières heures de la vie de Desnos, ce qui finalement n'étonne pas. Desnos est mort tranquillement avec une petite fleur qu'Anna Tessarova est allée cueillir dans le camp. Il avait cette fleur entre les doigts. C'est-à-dire que sa dernière joie, ça a été tout de même de rencontrer cet homme tout à fait par hasard. Enfin, c'était vraiment une chance, disons une chance magnifique au moment de sa mort. Oui, où il rencontre cet homme qui a traduit ses poèmes et qui lui dit mais est-ce que c'est vous ? Vous êtes bien le poète Robert Desnos ? Et dans la noirceur des choses, la maigreur, la puanteur, etc., Desnos sourit et dit « Oui, c'est moi ». Voilà, c'est moi, Robert Desnos, le poète Robert Desnos. Et puis, donc, Samy a rapporté ce document extraordinaire, et avec aussi cette phrase abominable prononcée par le capot incinérateur « Je jure que c'est moi qui ai brûlé le corps du poète Robert Desnos ». On peut peut-être justement écouter un court extrait sur la plaque commémorative et l'arrivée des cendres de Robert Desnos. Je méprise les tombeaux et le mien plus que les autres. Mais que ma tombe soit une dalle parmi les pavés de la ville fiévreuse et le plus grand et le plus solide sur une barricade. En descendant ce matin de la colline Sainte-Geneviève vers la rue Mazarine, je pensais à ces vers de Desnos. Le poète Robert Desnos, né le 4 juillet 1900, est mort à Térésine le 8 juin 1945. Il avait été arrêté à Paris le 22 février 1944 par la Gestapo. Déporté à Auschwitz, Buchenwald et Floa, il mourut du typhus au moment même où il devait être rapatrié. La municipalité du 6e arrondissement honorait ce matin la mémoire de tous les combattants de la libération, ceux des barricades et ceux des camps de la mort. Sur la maison du 19 rue Mazarine, une plaque est posée. Ici vécu de 1934 à 1944, Robert Desnos, poète français, arrêté par la Gestapo. Il trouva la mort parce qu'il était épris de liberté, de progrès et de justice. Donc tous ceux qui passent 19 rue Mazarine à Paris regarde cette plaque et salue le poète Robert Desnos. Les gens qui passent devant le 19 rue Mazarine peuvent aussi faire quelques pas de plus, aller jusqu'au café Le Balto. Mais oui. Où chaque matin, pendant l'occupation, Desnos venait prendre son café et disait « Ils sont foutus, on les aura ». Voilà, ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été arrêté, mais enfin, ça n'a pas, ça peut être un peu contribué. Voilà. Oui, mais enfin, il faisait partie d'un réseau de résistance très actif. Oui. Marie-Claire Dumas. Il faisait partie d'un réseau de renseignements de Michel Hollard, qui avait créé ce réseau très tôt, en 1941, un réseau de renseignements directement lié à l'intelligence service à l'Angleterre, donc, et qui a recruté d'abord un certain nombre de gens, pas très nombreux, mais qui s'est enflé progressivement avec la durée de l'occupation. Desnos est entré dans ce réseau en juillet 1942, donc ce serait après la rafle du Valdiv. Et ça, on ne peut pas s'étonner que ce soit un motif qui ait poussé Desnos à entrer dans ce réseau, car on sait qu'il avait beaucoup d'amis parmi l'intelligentsia juive et le milieu juif, d'ailleurs, du quartier des Halles. Puisque dans les Halles, il y avait beaucoup de commerçants qui étaient des commerçants de toutes origines, dont des juifs avec qui il était en bonne relation, si vous voulez. Il avait été en bonne relation. Donc, on peut quand même dire que Céline disait de, oui. de Desnos qu'il était philoïoutre. Et enjuivé. Enjuivé. Et enjuivé, oui. Voilà. Oui, oui, non mais ça... L'énonciation dans les journaux. Dénonciation dans un journal, oui, dans le journal Aujourd'hui, dès début 1941. Mais parce que Desnos avait fait un compte-rendu critique et désinvolte des beaux draps de Céline. Et on peut dire qu'il avait bien raison de faire cette critique, mais Céline n'a pas été de cet avis et donc a demandé réparation par sommation d'huissier en accusant Desnos, en effet, d'être philoutre. On va peut-être quand même dire juste un petit mot des pseudonymes divers de Robert Desnos, Marie-Claire Dumas. C'est-à-dire que Desnos a eu, en effet, en tant que journaliste dans différents journaux et écrivant assez abondamment pour que sa signature ne soit pas trop présente, par exemple dans Paris Matinal ou d'autres, il utilisait des pseudonymes, dont par exemple Pierre Guillet en prenant le nom de sa mère. Mais ensuite, il a pris d'autres pseudonymes pendant la guerre, dont Cancal, dont il aimait beaucoup les huîtres. Et lui, il était amateur d'huîtres de toute façon, pas simplement celle de Cancal. Et d'autre part, il a aussi pris comme pseudonyme, peut-être le plus entendu, Valentin Guillois, pour Le Veilleur du Pont au Change. Et Valentin Guillois, c'est un souvenir d'enfance, ou de jeunesse en tout cas. C'est un héros de Gustave Aimard, des romans pour jeunes, des romans d'aventure de la fin du 19e, de Gustave Aimard. Valentin Guillois est un des héros de Gustave Aimard. Desnos revient à ce moment-là à ce pseudonyme, ce qui montre aussi qu'il n'a jamais oublié tout ce qui avait fait le charme de son enfance. Dernière émission que nous allons écouter, qui est vraiment... On pourrait presque dire attendu, mais justement, on peut. Il est toujours très très intéressant de mettre de l'inattendu dans l'attendu, puisque la réalisation en est absolument magnifique. Il s'agit des chants de fables et chants de fleurs de Robert Desnos, qui est quand même probablement son œuvre de loin la plus connue. Alors, dans un petit recueil, dans un numéro de l'Étoile de Mer, qui est la revue de l'association des amis de Robert Desnos, dont vous êtes tous les deux, mais on en parlera tout à l'heure, Marie-Claire Dumas et Jacques Frankel. Il y a donc un numéro d'Étoile de Mer consacré à Robert Desnos et les enfants. Et voilà, je lis Yuki rapporte dans la préface de l'édition de 1955, donc des chants de fables et chants de fleurs, que c'est un de leurs amis, René Poirier, alors éditeur à la librairie Grund, qui suggéra à Desnos d'écrire pour les enfants. Le poète se lança dans l'aventure. C'est fin 1943 que Robert Desnos remit à l'éditeur Michel Grund le manuscrit des 30 chants de fables à chanter sur n'importe quel air, édité par la librairie Grund en 1944, sous les titres « 30 chants de fables pour les enfants sages ». Voilà. Malgré les efforts des éditeurs qui en hâtèrent l'édition, le poète arrêté par la Gestapo le 22 février 1944, ne vit jamais le livre imprimé. Donc 44, juste au moment où... Yuki a probablement un petit peu biaisé la... En réalité, Desnos avait écrit ses chants de fables avant que Poirier lui suggère d'écrire. Mais il lui a en revanche donné la possibilité de les publier chez Grund. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que Desnos avait déjà écrit ce style de poème pour les enfants de Lise et Paul de Harme. Hein, la ménagerie de Tristan ou le parterre d'Hyacinthe sont plus longs que les chants de fables, les chants de fleurs comme forme, un peu plus longs, mais c'est le même esprit. Donc, de très tôt, Desnos a écrit pour les enfants et la géométrie de Daniel pour le fils de Darius Milhaud. Donc, Desnos, par amitié, par invention personnelle, faisait ses petits recueils pour enfants et il faisait le recueil en faisant une gouache, un dessin, et en mettant le texte derrière, d'ailleurs, on pouvait voir le texte et voir le dessin. On pourrait faire un reprint de tout ça. Est-ce que c'est possible, Marie-Claire Dumas ? Oh, ça sera possible. Ça serait bien de le faire. Ça sera possible. Quelle belle idée. Ça sera possible. Simplement, d'abord, les éditions Grund ont eu leur propre réédition des chants de fables, puis chants de fables et chants de fleurs, avec cette présentation de Yuki. Il y a toute une tradition jusqu'à maintenant. Mais il y a des reprints qui sont faits d'autres textes de Desnos. cette année en particulier pour ses 70 ans. En particulier, les éditions Grund font un fac-similé de l'édition originale des 30 chants de fables, c'est-à-dire l'édition de 1944. C'est très émouvant parce que c'est un livre très fragile. C'est un livre illustré d'une illustration d'époque, mais ça sera vraiment un bel objet. Mais il n'y a pas que cela. Jacques Frankel, peut-être, vous en dit plus là-dessus. Alors, sur les chants de fables et les chants de fleurs, Jacques Frankel. Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre que c'est... Parce qu'il a beaucoup écrit sur les animaux, Robert Desnos. Oui, c'est une rencontre du café Le Balto, en fait. Le directeur de chez Grund était au même comptoir que lui et vraisemblablement approuvait largement le quotidien On les aura. Et donc, autour d'un verre de vin rouge ou un café, je ne sais pas. Oui, on peut. Un verre de vin rouge. Ça dépend de l'heure. Il y a eu donc cette décision de faire des recueils propres aux enfants et qui ont un succès incroyable, qui sont traduits dans toutes les langues, même j'ai une édition vietnamienne. Est-ce que c'est traduisible, ça? Alors ça, c'est très très étonnant. Alors, ça vient d'être traduit par Tony Hades en langue anglaise, qui est un fin connaisseur à la fois du français de Desnos et de la langue anglaise qui est la sienne, et qui a fait une adaptation aussi fidèle que possible, et c'est plein de charme, parce que, voilà, on faut retrouver... On peut se demander, parce que c'est tellement lié à la langue française. Hein. Il n'a pas fait de la traduction, au sens traduction, un jeu d'équivalence. C'est-à-dire, il a trouvé des équivalents des jeux de mots français, mais en les faisant, en faisant des jeux de mots anglais. Ce qui fait que ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, comme dit très justement d'ailleurs Michel Murat, la chant de fable est issue de la comptine. Elle se déploie dans une structure simple entre un appel et un écho. De la fable, elle retient les acteurs, faune et flore, mais la sagesse proverbiale ne sert qu'à évoquer un monde à l'envers. Ben, c'est très joli ça, et c'est tellement juste. Oui. Mais je crois qu'on apprend toujours les chants de fleurs et chants de fables aux enfants dans les écoles. Ah oui, c'est... Ce sont des tirages assez importants, et puis toutes les écoles font apprendre ça. Je ne connais pas d'enfant qui n'ait pas appris la fourmi, sauf malheureusement le mien, un de mes enfants. Bon, il l'a appris en d'autres circonstances, mais non, c'est tout. On apprend la fontaine et Desnos, en fait, aux enfants. Oui. Beaucoup d'autres, non, il y a quand même beaucoup d'autres. Prévert, et c'est, d'ailleurs, on confond, par erreur, on confond souvent Prévert et Desnos pour ses poèmes pour enfants. Ah bon? Ah oui, bon. Mais il y a d'autres aussi, de bons poètes qui ont écrit des poèmes qui sont repris en scolaire, oui. Desnos est peut-être moins dit maintenant en scolaire qu'il y a 20 ans, parce qu'on l'a beaucoup dit avant, mais il n'a pas disparu non plus. Il est présent, mais latent, plus latent maintenant. Alors, vous parliez tout à l'heure du fils de Darius Milhaud. Oui. À quel propos, je ne sais plus d'ailleurs, Marie-Claire. Daniel Milhaud, le fils de Darius, c'est-à-dire que Desnos a travaillé avec Darius Milhaud pour la cantate, pour l'inauguration du musée d'hommes. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, on écoute tout à fait le début, juste pour nous la remettre dans l'oreille. La terre inhabitée roule parmi les étoiles, tandis que les éléments s'organisent et que la vie apparaît. Dans le ciel, le soleil est dispersé, dans le ciel, soleil sans nom, azur sans nom. Ciel anonyme, aucun œil n'a fixé la lumière, et pourtant, la terre est parole, les autres, constellations, j'arrive comme l'air de pluie, je serai brisé par de la vénigueur, la terre de l'eau, en fleur, la terre de l'eau, vénigueur, les chaleurs, couleurs et lumières. Le chemin de la terre est tracé dans le sol, va tourner, À quelle occasion cette cantate a-t-elle été écrite, Marie-Claire Dumas? Darius Milhaud a été contacté par le Musée de l'Homme, qui allait ouvrir en 1937. Et Milhaud a contacté Desnos pour le texte. Donc, ils ont fait cette cantate pour l'inauguration du Musée de l'Homme. Ils l'ont écrite ensemble, donc là, le texte, la musique. Ça a été le début. d'une collaboration qu'il souhaitait poursuivre. Desnos, d'ailleurs, à cette époque et à partir du moment où il a travaillé à la radio, a souhaité travailler, écrire des textes pour les musiciens. De telle sorte qu'il a dit, même ensuite, quand il écrivait des poèmes qui n'étaient pas immédiatement faits pour la musique, qu'il attendait évidemment des compositeurs qui s'emparent de ces poèmes et les mettent en musique. Ce qui s'est fait, d'ailleurs, Wiener a mis en musique les chants de fables. Beaucoup d'autres musiciens, Joseph Kosma, par exemple, je parle des plus anciens, mais Desnos continue à être mis en musique. Et de toute façon, cette cantate, elle va être bientôt remise, je crois, à l'honneur, puisque nous allons aussi fêter l'inauguration du Musée de l'Homme. Et puis, très bientôt également, aussi toute la résistance liée au Musée de l'Homme, je crois. Oui. Il est sûr que Desnos, poursuivant sa production, aurait amplifié sa collaboration avec les musiciens. Il pensait à Varèse. Il avait très envie d'être mis en musique par Varèse. Il a eu un tout petit peu de mise en musique avec Honegger, pour un film de 37 sur les bâtisseurs. Et puis il a eu évidemment Kurt Weill pour lui faire la complainte de Fantômas. Mais naturellement, quand on écoute cette cantate, les premiers mots portent sur l'étoile, les étoiles, et donc on reconnaît le thème, disons, on pourrait dire un thème desnosien par excellence, si on était pour parler universitaire. Oui. Mais c'est vraiment un texte qui commence par ce dont Desnos préférait parler, l'étoile, les étoiles. C'est-à-dire que pendant l'époque, cette poésie qu'il développe particulièrement dans le temps de la guerre, l'étoile va devenir un symbole ayant beaucoup de sens. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il reprend la place de l'étoile qu'il a écrite, texte qu'il a écrit en 1928, pour le rectifier, pour le mettre au point et le confier au docteur Ferdière pour le publier dans une collection Humour. Desnos n'en verra pas la parution, ça sort en 1945. Or, l'étoile, la place de l'étoile en 1927, c'était d'abord l'étoile de Music Hall, c'était Yvonne Georges, c'était elle comme projetée sur la voûte céleste, toutes les étoiles. Donc, et dans la poésie de Desnos, dans La liberté ou l'amour, vous avez des luttes entre étoiles, l'étoile noire, l'étoile violette, l'étoile rouge. Donc l'étoile est toujours présente, mais à partir de la place de l'étoile, titre qui a été repris par Modiano, mais Modiano ne l'a pas repris, c'est une rencontre simplement. Il est à peu près certain que Desnos pensait à ce moment-là à l'étoile juive, quand il l'a republié. Il y a d'ailleurs une très très belle lettre d'Antonin Artaud à Yuki. Voilà ce qu'il écrit. La place de l'étoile dont il s'agit dans la pièce de Robert Desnos n'est pas celle qui rayonne au bout de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, mais c'est la place à chercher d'une étoile jamais encore issue dans le vide du cœur. Les fantômes existent, ne cesse de répéter Robert Desnos, au cours de cet anti-poème qui, sur le destin secret des choses, a voulu visiblement dire plus que toute la tragédie. Voilà, c'est un très beau texte d'Artaud. Absolument. Qui adorait Desnos, qui était vraiment un de ses très grands amis. Alors, donc, nous allons écouter, rappelons-le, l'hommage à Robert Desnos rendu par ses amis grâce à Samy Simon. Un hommage à Desnos, donc, pour le premier anniversaire de sa mort, donc 1946, juin 46. Et puis, ensuite, eh bien, nous allons nous lancer dans une longue écoute, mais passionnante, des chants de fables et des chants de fleurs de Robert Desnos. Et puis on se retrouve tout de suite après, si vous le voulez bien, par Claire Dumas et Jacques Frankel. Avec plaisir.